bébé, qu'est-ce qui nous arrive? On se fait du mal, on s'abîme. L'amour, on l'a banalisé, ouais. Je crois qu'il y a plus grand chose à dire. Là, c'est la fin du chapitre. J'ai du mal à me faire à l'idée. Non, je vois pas ma vie sans toi. Mais je crois qu'aujourd'hui, la vie nous laisse pas le choix. Ça sert à rien de revenir en arrière. À quoi bon si c'est pour se faire du mal? Oh non. Il faudrait mieux qu'on se dise adieu. J'ai mal, mais c'est sûrement mieux comme ça. On s'évitera de souffrir à deux. On se reconnaît plus toi et moi. Y'a comme un vide entre nous. Je vois nos sentiments qui s'éloignent. Ça me fait mal, tellement mal. Et plus je repense à notre histoire, et plus j'ai de mal de nous. Tant de fois, ça me fait mal, tellement mal. Tellement de choses qu'on a négligées depuis tant d'années. Entre nous, c'était le feu, la flamme s'est consumée. Avant qu'on se déteste, je préfère m'en aller. Je veux pas qu'on s'empoisonne, finir le cœur condamné. Je pense qu'il faut se laisser, faut réaliser qu'à chaque fois qu'on essaye, nos cœurs finissent baissés. On s'était promis qu'on allait tout se donner pour remonter la pente et jamais s'abandonner. Qu'il vaudrait mieux qu'on se dise adieu. J'ai mal, mais c'est sûrement mieux comme ça. On s'évitera de souffrir à deux. Oh, oh, oh, oh, oh. On se reconnaît plus toi et moi. Y'a comme un vide entre nous. Je vois nos sentiments qui s'éloignent. Ça me fait mal, tellement mal. Et plus je repense à notre histoire,